queue de la planète, puisqu'on a parlé de Boris Vian, ce cher Boris, on va le faire renaître. Ouais, que notre voix s'élève et que les belliqueux de la planète, les pyromanes de la planète, nous entendent à l'unisson. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Dominique, Nique, s'en allait à Matignon, claquer votre pognon. En tout chemin, en tout lieu, il vous jure, ses grands yeux, dans 100 jours, tout ira mieux. Ils sont pour une démocratie réelle, madame. Une réelle, ah oui. Alors vous voulez... Parce qu'on n'est pas en démocratie, vous êtes au courant. Oui. Nous, ce qu'on défend, c'est la dictature des marchés. Vous êtes bien d'accord avec ça? L'oligarchie, la l'oligocratie, c'est compliqué tous ces mots, mais il faut rien de plus. Bon, bref, hein. Faut aller voter, faut aller bêtement voter. Rouge, on a l'impression que vous faites partie du groupe. Ouais, c'est ça. Ah bah si. Voilà, allez voter. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Quand vous faites un débat, si vous êtes en permanence en train de parler pour couper la parole des autres, vous venez pas assister à un débat pour faire entendre votre position, vous venez assister à un one-man show. Remarquez, c'est très bien, il y en a qui ont du talent. Nous avons l'argent, nous payons, à un moment donné, il faut être réaliste. On continue. Solidarité avec les banquiers, moins de parcs et plus de parkings. On est la droite, la droite décomplexée, mais pas violente. Hein. On n'est pas l'extrême droite, on est juste décomplexé. Regardez-moi. Là, on aurait pu faire une fête. Là, on aurait pu faire un barbecue. Là, on aurait pu danser. Ouais. Là, on aurait pu parler. Ça sert à rien, toute cette place. Même les touristes, ils sont malheureux. Thank you.

on a le décret Marcoux, le décret paysage, qui a modifié la chose pour les étudiants étrangers hors Union européenne et qui a déplafonné le Minerval allant jusqu'à 4175 euros pour les étudiants étrangers, donc hors Union européenne, en sachant que c'était non contraignant, donc le décret était non contraignant et les universités devaient d'abord donner leur accord si oui ou non elles déplafonnaient le Minerval. Donc ça, ça date de 2013. Et en 2015, l'ULB a par exemple déplafonné le Minerval pour les pays hors Union européenne dits riches comme les États-Unis, la Suisse, le Japon, où les étudiants et les étudiantes doivent donc payer, ont payé en septembre 4175 euros au lieu des 835 euros que moi j'ai payé par exemple. Quand tu dis en septembre, là cette année 2016, 2015 on était. En septembre 2015. Les étudiants étrangers et étrangères hors Union européenne issus de pays pauvres, qui ne sont donc pas sur un plan équivalent comme l'Europe, les États-Unis, n'ont pas payé 4175 euros. Ils ont payé 835 euros comme je l'ai fait. Sauf que, en janvier 2016, l'ULB a fait savoir qu'il y avait eu erreur administrative et que les étudiants étrangers hors Union européenne issus de tous les pays devaient payer le Minerval déplafonné qui n'est pas de 4175 euros pour eux mais de 2758 euros parce que voilà, ce sont des pays pauvres en comparaison de la Belgique. Oui, on va laisser parler notre ami ici, il a envie de rajouter quelque chose. Ok, donc pour ajouter quelque chose de plus, c'est que après avoir payé 835 euros, nous les étudiants étrangers venant du tiers, ouais. Quand tu dis du tiers, c'est du tiers monde. En fait, venant d'Afrique, des pays pauvres, ouais. Après avoir payé le Minerval, après un mois, on a reçu un mail nous demandant de payer encore 1923 euros. Et on a été sous pression vu que le service d'inscription nous demandait de le payer aussi rapidement que possible. Sinon, on se verrait être désinscrit de l'ULB. Donc voilà, c'est ça. Ça donne envie de comprendre, alors tout de suite, ben quoi, t'as dû payer alors 800 et des plus 1900, et quoi, t'as été viré, comment ça se passe? Non, je n'ai pas été viré parce que voilà, j'ai tout fait pour payer ce montant qui m'a été demandé, mais je connais plusieurs de mes compatriotes ou bien des étudiants africains qui jusqu'à présent ont eu du mal à le faire et sont restés encore endettés vis-à-vis de l'ULB et voilà, ça reste encore un problème critique parce que ça sera difficile pour eux de s'inscrire au mois de septembre pour l'année académique prochaine. Et voilà, c'est un peu ça la situation. Et même pour renouveler leur séjour, ça sera aussi un énorme problème vu qu'il faut payer d'abord 10% de son Minerval pour avoir une attestation d'inscription venant de l'ULB pour se rendre à la commune et déposer sa demande de renouvellement. Donc là, ça sera très difficile, très très difficile au mois de septembre. Et tout étudiant étranger venant de ces pays-là ont jusque 10 octobre pour pouvoir renouveler leur séjour. Il faut le faire avant, un mois avant, soit vers le 10 septembre. Il faut déjà payer les 10%. Donc si je comprends bien, il faudra payer au moins 1200 euros pour le faire. Juste précision, si ils reçoivent pas cette attestation, ce qui est en risque, c'est l'expulsion. Donc en fait, on est vraiment en train de parler, voilà, d'étudiants qui risquent de se faire expulser de la Belgique si ils payent pas leur Minerval. Quoi. C'est dingue ça. Hein, j'essaye de comprendre, mais comment on peut quoi, parce qu'ils ne payent pas leur Minerval et parce qu'ils n'ont pas une attestation qui prouve. Du coup, c'est comme un papier d'identité, alors, cette espèce de... Grâce à ça, ils ont la preuve qu'ils sont étudiants. Et donc, s'il n'y a pas cette preuve d'étudiant, alors la Belgique estime qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire et les expulse. Oui, en fait, c'est l'élément clé pour pouvoir se rendre à la commune et renouveler son séjour. Parce qu'une fois même que tu es étudiant étranger et tu arrives pour la première fois en Belgique, il faut te rendre à la commune. Et l'élément clé qu'on te demande, c'est ton attestation d'inscription qui prouve que tu es étudiant pour pouvoir te donner une carte de résidence, une carte de séjour. Ouais, donc, il faut un peu rentrer dans les détails, c'est que pour chaque étudiant africain, pour qu'il y ait le visa, il faut qu'il se rende au niveau de l'ambassade belge dans le pays. Et pour s'y rendre, il faut qu'il y ait un garant qui prend en charge l'étudiant. Et voilà, qui dit, voilà, en moyenne, il va verser à l'étudiant, il va envoyer à l'étudiant à peu près 700 euros par mois. Et que... Mais ce garant, ça peut être qui, que je comprenne un peu aussi, parce que tu... Le garant, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ça peut être quelqu'un, une connaissance, n'importe qui. Mais il faudrait que cette personne puisse réunir la somme exigée par l'ambassade pour prendre en charge l'étudiant. Ouais. On va continuer alors avec cette loi qui... Enfin, c'est juste de dire que c'est une loi. C'est pas une loi, c'est une directive. Ou... Voilà, donc on revient sur le décret de 2013 qui donc permettait d'augmenter, de déplafonner le Minerval jusqu'à 4175 euros. Je revenais sur l'erreur administrative qui avait eu lieu pour les étudiants étrangers hors Europe. Alors, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et c'est là le but de la campagne d'affichage dont Hugo va reparler, c'est que les recteurs et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils vont discuter de déplafonner à nouveau le Minerval pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Déplafonner, ça veut dire ? Donc, il y a un plafond limite, c'est-à-dire que les étudiants étrangers américains vont payer le maximum de 4175 euros. Un étudiant congolais va payer un maximum de 2000, alors c'était 758 euros par exemple. Moi, je vais payer le maximum de 835 euros parce que je ne bénéficie pas d'aide sociale et ainsi de suite en tant qu'étudiant belge. Dans les prochaines semaines, la décision va être prise d'augmenter le Minerval à 12 525 euros l'année, d'où la campagne d'affichage. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que mon ami disait à propos des 10% qu'il va devoir payer avant le 10 septembre, qui sera donc de 1 200 euros, 10% du Minerval total, 1 200 euros qu'il devra payer d'un seul coup pour avoir son attestation qui prouve qu'il est étudiant, sinon... Au revoir, il peut retourner chez lui. Oui, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est comme si ça disait clairement, ben, vous les Africains, vous les pauvres, c'est dingue quand même, comme vision. Hein. Retourner, c'est dingue. Mais moi, j'aimerais comprendre aussi au niveau de la loi, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on, c'est juste, c'est profondément injuste. Qui a le droit de faire ça ? Enfin, il y a une directive européenne qui encadre les Minerval pour les étudiants de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que tous les étudiants Union européenne ont le même statut. Et donc, par contre, il n'y a rien sur les étudiants hors Union européenne. Et donc, chaque pouvoir organisateur, chaque État peut décider ce qu'il veut. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles est en train de permettre de déplafonner les Minerval jusqu'au prix coûtant, quoi. Et sans aucun souci de faire peser des Minerval super élevés sur des gens qui viennent de pays pauvres. Mais là, c'est complètement absurde. Moi, j'aimerais bien... Enfin, vous êtes renseigné un peu, justement, à cette Fédération Wallonie-Bruxelles. 12 000 euros, c'est de la folie. Donc, ce que ça représente, c'est le prix plein plus ou moins estimé des études d'un étudiant au cours d'une année. Et donc l'idée là derrière, c'est de dire on va faire payer à un étudiant étranger le prix qu'il doit payer s'il n'est pas subventionné publiquement par l'université. Autrement dit, c'est un peu l'idée que l'étudiant étranger il ne participe pas à la richesse de la Belgique, à la production de la Belgique. Il n'y a pas de raison de le subventionner, il vient d'un pays étranger, autant qu'il participe au prix coûtant de ses études, parce que ben, ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et c'est estimé injuste par rapport aux étudiants belges. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Ouais, moi je suis déléguée étudiante et dans mon conseil facultaire il y a Englert, donc c'est le futur candidat, enfin c'était le candidat recteur à ce moment-là, mais donc il a été élu entre temps, qui était venu se présenter et qui lui, donc dans son programme, défendait cette mesure de déplafonnement des frais d'inscription étudiants étrangers à l'Union européenne. Et quand j'avais posé la question de comment il défendait ce point, il avait justement répondu ça en disant que comme ces gens ne contribuaient pas à l'impôt en Belgique, eh bien il fallait bien qu'ils contribuent autrement et que donc c'était par. Des frais d'inscription payaient ce qu'ils coûtaient à l'université. Après, on peut aussi discuter de comment est-ce qu'on mesure qu'est-ce qu'un étudiant coûte à l'université, quand en fait les normes d'encadrement elles n'augmentent plus. Donc est-ce que ça coûte plus cher vraiment à l'université quand il y a deux étudiants en plus dans son auditoire? On peut se poser la question. Et puis aussi l'autre argument que utilisent beaucoup les autorités, et notamment aussi Yvon Englert, c'est que ce serait soi-disant les gens qui viennent des pays étrangers, ce serait soi-disant des gens des classes supérieures de ces pays-là, et donc ce ne serait aucun souci pour eux de payer ces frais-là. Nous, on trouve ça assez aberrant. Ça ne tient pas la route. Déjà, juste avec les exemples qu'on a sur le terrain, en fait, c'est plein d'étudiants qui ne vont pas réussir à payer cette somme-là, qui déjà cette année ont des difficultés à payer la somme qu'on leur réclame suite à une erreur administrative. Alors, quand ce sera 12 000 euros, ça va être vraiment dur. Et puis, ça ne tient pas la route en termes, je sais pas, d'économie. Enfin, quand on regarde ces pays-là, on constate qu'en fait, les plus riches chez eux, ils restent encore moins riches que les plus pauvres de chez nous. Donc, leur demander une telle somme, cet argument, en tout cas, ne tient pas la route. La volonté d'Yvan Englert est en fait qui est une volonté qui est portée par beaucoup de dirigeants de nos universités et par notre ministre, c'est la marchandisation de l'enseignement supérieur et c'est l'introduction de nos universités dans la compétition internationale entre les universités. C'est arriver à développer des masters compétitifs, attractifs du point de vue international et du coup, à ce titre-là, il n'y a pas de raison de limiter le prix, si même, en fait, même un prix élevé pourrait attirer des gens parce qu'il pourrait être prestigieux, quoi. Et donc, on est vraiment, on le regarde, enfin, on l'observe depuis ces 10-15 dernières années ici à l'ULB. On voit que le nombre de cours diminue, on voit que il y a certains masters qui sont privilégiés, qu'on privilégie les sciences dures, qu'on privilégie les sciences économiques, le droit, la médecine, etc. Par contre, le reste des sciences humaines est beaucoup moins mis en avant. Et il y a plein de cours qui ont été supprimés, etc. Donc, cette mesure s'inscrit dans vraiment une marchandisation de l'enseignement supérieur qui se fait au détriment des classes les moins aisées, qui se fait au détriment de la démocratisation de l'enseignement, qui se fait au détriment d'un enseignement critique, solidaire, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on a porté cette action avec l'Université du Libre Business. Donc on a un collectif, on s'est créé il y a quelques mois, Charlotte pourra revenir dessus. Donc vraiment pour dénoncer ça, cette mesure s'inscrit dans une marchandisation de l'enseignement supérier. Tu voulais réagir? Ok, c'était juste de souligner le fait que s'il arrivait que le monsieur Minerval soit de 12 000 euros, il serait impossible que les étudiants quittent par exemple l'Afrique pour venir ici étudier, vu que déjà même en Afrique, il y a déjà des États qui encouragent les étudiants à pouvoir aller plus loin avec les études en mettant sur pied un système boursier qui permet chaque fois que quand tu réussis, que Que je clarifie pour bien comprendre. Tu parles de des études en Afrique-Afrique ou bien tu parles d'un échange entre l'Afrique et l'Europe pour créer des ponts ben, je n'ai pas compris. Non, en fait, c'est des études en Afrique même. Donc, c'est juste pour dire que voilà, c'est, ça sera très difficile pour ces étudiants-là qui, par exemple, en Afrique, payent, si je prends, si j'estime en francs CFA, ça fait moins de 100 euros, ils payent. Son Minerval, c'est moins de 100. Est-ce que c'est comparable de comparer? C'est tellement, la différence est tellement énorme entre l'argent là-bas et l'argent ici. Oui, je sais que la différence est grande, mais l'objectif pour des étudiants qui viennent ici, c'est acquérir du savoir. Ce n'est pas, ils ne viennent pas parce que voilà, ils veulent se faire plaisir, de dire voilà, que j'étais en Europe pour étudier et tout, mais ils veulent acquérir du savoir. Et Même si c'était le cas de dire j'étais en Europe, voir comment ça se passe là-bas, voir comment les gens pensent, etc. Je veux dire, c'est ça la liberté aussi, non? Il n'y a pas besoin de se justifier pour ça. Ouais, bah, je pense, mais en mettant par exemple un Minerval raisonnable, encouragerait les étudiants à aller venir en Europe pour acquérir du savoir et savoir et avoir aussi une idée de la culture européenne, de la manière dont les choses se passent ici. Mais si jamais on arrive à 12 000 euros comme Minerval, il n'y aura plus d'étrangers. Je dirais il y aura moins de 10% de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que moi, je connais certains étudiants qui comptaient arriver ici en Belgique pour étudier. Mais vu qu'ils ont été informés qu'il y a une rumeur qui courait qu'ils devaient avoir une augmentation de 12 000 euros, ben, ils ont désisté et ils ont opté, demandé une admission ailleurs dans un pays européen où le Minerval était raisonnable, où ils pouvaient arriver à payer cela. Donc, je pense que pour que la Belgique continue à garder, à donner une ouverture aux étudiants d'Afrique. Ouais. Je crois que là, elle dit clairement. c'est très clair. Hein. Je sais pas, moi, j'ai compris hein, que ces 12 000 euros payés comme Minerval, ben, ça ne va pas donner la. Fin, clairement, il y a plein de gens qui ne vont plus pouvoir venir quoi, à l'ULB. Ouais. Moi, je pense d'office, c'est ça. Que les Africains riches. Ben, dit même que des Africains très riches, c'est aberrant parce que même en Afrique, l'expérience a montré que c'est ceux qui viennent en Europe et en Belgique, plus précisément pour étudier, ce sont des gens de la classe pas même moyenne, mais de la basse classe, mais qui veulent avoir... Non, c'est pas la basse classe, c'est moyenne. Je peux dire, ouais, moyenne, mais qui aimerait acquérir des connaissances et une fois rentré au pays, avoir une ascension sociale. Parce qu'ils sont marginalisés, il y a des riches qui ont pris le pouvoir et qui ne veulent pas qu'ils disent un mot dans plusieurs secteurs, que ce soit économique, politique et autres. Donc c'est pour eux l'occasion de venir étudier, acquérir des connaissances et une fois rentrés qu'ils puissent avoir un mot à dire par rapport à plein de choses. Réaction sur ce que dit notre ami? Parce que moi, à chaud comme ça, il n'y a pas besoin qu'un Africain vienne en Belgique. On parle de la Belgique précisément en sachant que c'est l'Europe, hein, mais là on parle de Belgique, on est en Belgique à l'ULB. Vienne en Belgique pour retourner dans son pays et dire et aller dans son pays pour remuer un petit peu le système économique ou politique. Il n'y a pas besoin de faire des études ici pour ça en fait. En fait, l'idée, même quand tu vas pour demander ton visa à l'ambassade, on te dit, honnêtement, maintenant, il y a un encouragement aux étudiants Oui, qui quittent l'Afrique pour venir ici étudier au niveau de l'ambassade où vous allez, il faut signer qu'après les études, vous allez rentrer chez vous pour développer votre pays. Donc l'idée maintenant, c'est que nous venons ici acquérir des connaissances, rentrer et développer le pays. Donc ça veut dire que pour développer le capitalisme là-bas alors ? Non, je ne pense pas que ça sera une sorte de capitalisme, mais je pense que pour qu'il y ait développement, il faut avoir une tête bien remplie de savoir pour pouvoir avoir des choses à dire ou contribuer au développement. Parce que il faut développer, mais on a affaire à des personnes qui ne pensent pas, il n'y aura pas de développement. Juste encore un petit truc pour qu'on comprenne bien la conversation. Moi, je pense que l'Africain, il a pas besoin de venir, je répète, hein, il n'a pas besoin de venir en Belgique. Il a déjà toute une connaissance, tout un savoir, toute une pensée. Et que venir, évidemment, en Europe, en Belgique, eh bien, c'est peut-être autre chose qui se joue aussi. Mais là, je n'ai pas toutes les données, mais pour moi... On peut rappeler les colonies, hein, l'Africain qui va devenir civilisé, la personne qui va mettre des chaussures, qui va, enfin soit, il y a toute une histoire aussi énorme derrière l'Afrique. Hein. Je pense que là, on s'écarte un petit peu. Ce dont on est en train de parler, c'est ouvrir ou non nos universités, qui sont des espaces où... des espaces de connaissances, des espaces de critique à des gens qui viennent de pays anciennement colonisés. Dire on est, moi personnellement, je me bats pas pour reproduire exactement le modèle de développement qu'on a eu qu'on a ici en Europe, en Afrique. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de est-ce qu'on ouvre ou pas nos universités à des gens qui viennent d'anciens pays colonisés. On n'est pas en train de parler de est-ce que on va aller appliquer directement ou sans réfléchir le modèle de développement qu'on a appliqué en Europe. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, quoi. Non, mais on pourrait aussi réfléchir. De toute façon, la base, si les gens ont envie de voyager, ils voyagent. Après, l'argent ne permet pas à tout le monde de voyager. Soyons bien lucides. Et j'imagine que ceux qui ont l'argent pour voyager, on peut se poser la question quand même, pourquoi après, je dis, hein, je répète, hein, suivez ma pensée, hein, liberté, chacun fait ce qu'il veut, s'il a envie de venir étudier ici, voir comment ça se passe, là. Mais comment monsieur raconte qu'après on fait signer pour avoir son visa, la petite case pour dire qu'il va bien rentrer dans son pays, pour dire qu'il va développer, c'est noté, c'est lui qui m'a expliqué, pour dire qu'il va bien développer l'Afrique là-bas, ça pose la question du coup de qu'est-ce que c'est le développement, qu'est-ce qu'il va développer. Et j'imagine que quand il est venu ici en Belgique, puisque le modèle dominant de développement, c'est quand même la société capitaliste de profit, ça pose des questions. C'est pour ça que tout ça est mis sur la table aussi. Mais je voulais rajouter que, enfin, pour rebondir ce que disait Hugo, que je pense que c'est pas, enfin, en tout cas, moi, je me sens pas très légitime pour définir quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons de venir vouloir étudier en Belgique. Et c'est vraiment pas là-dessus qu'on va mettre notre travail. Mais nous, on défend un enseignement, enfin, entre autres, ouvert à tous et à toutes. Et ben, donc, dans cet objectif-là, il nous semble tout à fait logique de combattre cette nouvelle mesure qui, en fait, exclut de facto toute une partie d'étudiants étrangers et étrangères qui étaient jusqu'ici. Même s'il faut quand même déjà rappeler que le Minerval était déjà super cher pour eux. Et donc je pense que c'est pas en tout cas notre combat à nous de définir s'il y a des bonnes ou des mauvaises raisons, le bon ou le mauvais étudiant qui débarque à l'ULB. Non mais là on essaye de sortir un petit peu. Moi j'ai compris votre combat, je crois qu'on le comprend, il est assez simple. 12 000 euros à payer sur une année, c'est énorme. Ça va éjecter la majorité des gens, enfin, on est clair là-dessus. Mais après c'est comme si on faisait un petit peu de philosophie ici, on réfléchit ensemble. Plus loin que simplement, je crois qu'on a bien compris la démarche. Et après, on peut expliquer comment on peut faire pour peut-être rejoindre le groupe, comment peut-être vous avez des actions concrètes aussi à mettre en place. à mettre en place. On en a déjà mis beaucoup en place. Enfin, le mouvement étudiant, il ne se vient pas juste de se lancer sur ces questions. En tout cas, l'ULB, on est actif de ça déjà depuis la rentrée de février, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, les étudiants ont commencé à recevoir des appels concernant l'erreur administrative. Et donc après, le mouvement a été... Pardon. L'erreur administrative dont on a parlé plus tôt, où l'ULB avait oublié, soi-disant, de réclamer 1923 euros aux étudiants. Donc au début, c'était là-dessus qu'on s'est mobilisé. Puis après, on a appris le projet d'augmenter le Minerval à 12 000 euros. Et donc, ça a fait que renforcer le mouvement. Et donc, à l'ULB, en tout cas, s'est constitué un mouvement qui s'appelait Contre la hausse du Minerval étudiants étrangers et étrangères, qui fonctionnait en assemblée, donc qui réunissait quand même beaucoup de gens. On a fait des actions. Une action devant le service d'inscription au début mars, une autre à un autre moment en mars, où la deuxième fois on a complètement occupé le service d'inscription. Malheureusement, problème de calendrier, c'était le 22 mars, donc ça n'a pas vraiment eu les conséquences qu'on a espérées. À Louvain-la-Neuve aussi ça a bougé, il y a eu aussi eu des réunions et ils ont fait une manifestation fin mars, début avril, je ne me souviens plus. Ce mouvement a déjà obtenu des choses. On a réussi à obtenir que les étudiants aient un délai plus large pour payer. Parce qu'au début, on leur demandait, je crois, de payer pour Pâques. On a réussi à obtenir juin, puis septembre. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a gagné. On a un service social étudiant qui commence à faire qui commence à aider certains étudiants un petit peu. Donc voilà, et après, on se chauffe pour que la rentrée... va bien démarrer, normalement. A priori, on ne va pas lâcher le sujet et ça a bougé pour qu'on gagne. C'est possible. Ah ouais, nous on vise le retrait de ce décret. Enfin, hors de question. C'est bien. Là, à propos de l'action qu'on a faite, on a du coup imprimé 500 affiches avec là les 12 000 euros, Vivier était sérieux, Université de Libre Business. Ou avec un texte aussi où on faisait le lien avec les anciennes colonies, on faisait le lien avec la justice sociale et on terminait par « Vivier abandonne ce projet où ça va chauffer à la rentrée ». Donc on met la pression on se prépare pour une rentrée qui va être chaude. Donc on a affiché à des endroits qui n'étaient pas autorisés avec de la colle à tapisser et un balai, donc on le voit pas, mais à chaque fois c'est plus haut que une personne qui tend le bras, donc c'est vraiment embêtant pour l'enlever. Et on l'a fait aussi pendant la nuit, on en a collé sur le service d'inscription, sur la salle du CA, sur le rectorat, sur la bibliothèque et un peu par là et un peu partout sur le campus. On a eu affaire avec la sécurité, où au départ, ils nous couraient après dans le campus, donc à chaque fois qu'on les croisait, on sortait. Et il y a un moment, moi, ils m'ont coincé, et c'était une personne de la sécurité qui était avec un chien. Et le chien a commencé à s'énerver. Il y a un moment, il m'a sauté dessus, j'ai senti sa gueule sur mon bras. Heureusement, il avait une muselière, mais... c'était quand même assez agressif. Et puis quand on a essayé de partager notre communiqué, il y a un groupe Facebook qui est à l'ULB qui s'appelle ULB Vie étudiante et qui est en fait géré par le vice-recteur aux affaires étudiantes, Monsieur De Waal. Et donc moi j'ai partagé notre communiqué avec les photos qu'on avait prises sur ce groupe-là et il m'a censuré en disant que notre action était politique et qu'il ne partageait pas les choses politiques. Et du coup, je lui ai montré d'autres postes politiques qu'il avait approuvés. Et alors là, il m'a dit « Oui, mais vous n'êtes pas enregistré ». Et donc, en gros, il a inventé au fur et à mesure des règles pour justifier le fait que... le fait qu'il ne partage pas sur ce groupe. Et en fait, on sent bien que notre action les dérange. Elle les dérange d'autant plus qu'ils ont lancé une campagne de communication qui est ULB engagée, où ils sont en train de redorer toute leur image en soi-disant faisant des choses pour l'accueil des réfugiés et soi-disant en agissant pour la Grèce, etc. On se rend compte que déjà leur action sur les réfugiés elle est minime par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Et puis en fait, ils ont mis des budgets énormes dans la communication. Moi, j'ai vu des planimètres dans la ville, les publicités, avec l'ULB engagé, qui font des trucs sur les réfugiés. C'est d'une hypocrisie totale, quoi. D'un côté, ils disent engagés sur les réfugiés, et de l'autre côté, on a un recteur qui pousse pour que les minervales augmentent jusqu'à 12 000 euros. On a des étudiants qui se voient augmenter leur minerval du jour au lendemain et menacer des inscriptions, des pressions pendant les examens. Je veux dire, c'est une hypocrisie totale. Et donc, voilà, on sent qu'on dérange. Bah, c'est très bien de le dire, ça. Et vous êtes combien à déranger, genre, une idée ici, sur le site de l'ULB? En tout cas, à l'Université du Libre Business, vous êtes combien, comme ça? Une idée? Toujours plus nombreux. Et du coup, aux plus grosses assemblées de la Hausse Minervale avec les étudiants étrangers, on était une grosse cinquantaine, soixantaine. Aux occupations, plus ou moins la même chose, peut-être un peu moins, mais par contre, on sent que le débat commence à monter sur le campus. Nous, avec l'affichage qu'on a fait, on voyait que les gens s'arrêtaient, en parlaient. Donc on sent que la pression monte. Et je voulais aussi ajouter, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais aussi dans la presse, on en a pas mal parlé aussi, parce que la FEF est montée au créneau. Donc la FEF, c'est la Fédération des étudiants francophones, qui est une sorte de syndicat qui représente les étudiants et étudiantes, à laquelle l'ULB est affiliée en tout cas. On voit que la presse aussi a quand même assez couvert le sujet avec des débats, enfin avec des contradictoires dans la presse entre Brio Batelet, président de la FEF, et par exemple Didier Vivier. Donc on voit aussi que le sujet sort aussi du campus et on en entend un peu plus parler dans le débat politique. Moi j'ai l'impression qu'on est en train d'augmenter la pression, on n'est pas seul à bouger, il y a aussi des académiques et des chercheurs qui sont en train de rédiger une carte blanche. Donc on sent qu'on n'est pas seul à trouver que cette situation est injuste, et donc on prépare la rentrée, et on ne va pas se laisser faire à la rentrée, quoi. Et vous faites des études de quoi? Je ne voulais pas le dire, vous ne le dites pas, hein, mais ça m'intéresse. Moi, je suis l'histoire. Historien aussi. Moi, économie et géographie. Tu veux pas? Non, ok. Ah oui, et qu'est-ce que vous... C'est vrai que pour le moment, c'est ambiance, hein, pour le moment, en Belgique, mais aussi en France. Enfin, tu peux... Hein, ça bouge, quoi. Ça donne envie, parce que quand tu dis qu'il y a une cinquantaine, où je n'ai pas bien entendu... C'est pas beaucoup sur un site de l'ULB. Il y a combien de personnes, en gros? Juste comme ça, il y a combien de personnes sur le site? Il y a 25 000 inscrits. Il doit y avoir 15 000 ici. Il doit y avoir 7 000 qui fréquentent le campus, quoi. Oui, c'est-à-dire que qui ne se mobilise pas, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne trouvent pas que la situation est injuste. Ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'on peut arriver à faire des actions et à mettre en évidence des choses sans qu'on soit obligé de mobiliser les deux tiers du campus. Je veux dire, on n'est pas obligé. Une manifestation nationale, c'est 100 000 personnes sur 10 millions. On va toujours dire que ce n'est pas beaucoup. Pourtant, c'est quand même quelque chose. Donc il faut dire, moi, la comparaison de combien de gens se mobilisent par rapport à combien de personnes il y a sur le campus, je pense pas que ce soit vraiment un indicateur, quoi. Un indicateur de quoi tu parles? Non, mais donc un indicateur de, ok, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup, est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec nous? Le mouvement, il est là, il représente 50 personnes. Je demande en parallèle, tiens, il y a combien de personnes en règle générale ici? D'accord? Tu me donnes le montant. C'est pas pour ça que je dis, ça c'est vraiment, des fois vous entendez des trucs que je dis pas. Hein. C'est pas pour ça que je minimise le mouvement. Mais je me dis, waouh, ce serait génial si ce mouvement... Parce que j'imagine que dans notre système, il n'y a pas que ce mouvement-là d'un minerval. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde pour le moment qui fait que l'ULB, avec tout son potentiel de personnes-là, pourrait créer des choses. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait, à l'ULB. Hein. Moi, j'y viens une fois toutes les semaines. C'est assez calme, quoi, dans l'ensemble. Voilà, je vois une affiche, je me dis, tiens, je vais aller rencontrer ces gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas pour ça, je le répète, que je minimise votre mouvement. Et il peut très bien, de un, prendre de l'ampleur, il y a de quoi, en fait, ici. Et de deux, que ça marche, qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, donc tout à fait. L'action des affiches s'est faite il y a une semaine. On a vu que sur la page Facebook, il y a eu des dizaines de, enfin 17 000 vues, je crois. Énormément de partages. Donc les gens en parlent énormément sur le campus. Mais ça ne date que d'une semaine. Je pense que la majorité des gens étaient totalement inconscients que les étudiants étrangers hors Union européenne vont devoir peut-être payer 12 000 euros à la rentrée. À partir de maintenant, on va espérer que le mouvement va prendre de l'ampleur, évidemment, comme vous dites. Je voulais ajouter qu'on est peut-être que 50, moi je trouve ça déjà très bien. Mais on a, en général, à chaque fois qu'on est rentré en contact avec le reste de la population universitaire, entre guillemets, on a toujours été très bien accueillis. Les étudiants comprennent assez vite les enjeux derrière et trouvent ça souvent très problématique. J'avais oublié de le mentionner aussi, mais on avait fait une soirée la deuxième semaine après le blocus de Pâques, un peu festive pour essayer de toucher les étudiants un peu dans un autre cadre. Et on avait discuté avec beaucoup d'étudiants et étudiantes qui n'avaient pas du tout entendu parler de ce futur décret et qui étaient pour la majorité scandalisés. Donc je pense que même si c'est une majorité silencieuse, on peut dire ça, elle nous soutient et elle trouve aussi ça problématique. Ça, moi je pense qu'on peut arriver à quelque chose parce qu'on a une majorité silencieuse qui nous soutient et parce qu'on est une minorité agissante qui est prête à aller loin aussi. Dire là, cette action, c'était une action où on a désobéi. L'action où on a bloqué le service d'inscription par deux fois, où on a bloqué une fois le bureau de la directrice et puis quand on a bloqué tout le service en entier, ben, on a fait un acte où on a passé un cap, où on a désobéi. Et donc, vous êtes motivé, quoi. On est déterminé. Et on est déterminé par en découdre et on va, et comme on le dit, à la rentrée, s'ils abandonnent pas ce projet, on va pas se laisser faire, quoi. Et donc, moi, de manière générale, je pense pas que il faut tout le temps des énormes mouvements de masse pour arriver à des changements. Dire ce changement-là, ils sont en train de le décider à quelques-uns, quoi. Il n'est pas beaucoup plus légitime que nous, notre contestation. Oui, mais ils n'ont pas le même pouvoir que toi. Mais quand est-ce qu'ils sont présentés quand est-ce que Vivier avait annoncé qu'il augmenterait le Minerval des étudiants étrangers? Je veux dire, quand est-ce que le ministre a parlé d'augmenter le Minerval des étudiants étrangers? Quand est-ce qu'il y a eu ce débat? Je n'ai jamais eu ce débat. Là, maintenant, ce qui est récent, c'est qu'on a un recteur qui, lui, l'a dit à sa campagne. Mais c'est une campagne où juste les académiques pouvaient voter. Nous, les étudiants, on n'a pas le droit de vote pour les élections du rectorat. Pareil pour les chercheurs, ils n'ont pas le droit de vote pour les élections du rectorat. Donc, moi, j'ai l'impression qu'eux aussi, ils sont une minorité, en fait. Ils sont très peu nombreux à décider de la marchandisation de l'enseignement supérieur, à décider d'exclure les étrangers. Et pourtant, eux ont le pouvoir et ça avance. Donc nous, on a une majorité silencieuse qui est avec nous, on est persuadés, et on est quand même un certain nombre d'étudiants et de chercheurs et d'académiques prêts à se bouger sur la question. En tout cas, moi, je pense, tu voulais dire un truc, que c'est évidemment pas... Tu parles du nombre, c'est sûr qu'on ne sait pas vraiment dire pourquoi à un moment donné ça marche ou ça marche pas. Est-ce que c'est les noms, est-ce que c'est le nombre, est-ce que c'est la motivation, est-ce que c'est l'acte porté en lui-même, tu vois, c'est une action menée, ah ben là ça fait vraiment, c'est bien pointé là, ils vont devoir changer d'avis. On sait pas vraiment dire ça, mais en tout cas moi ce que je sais c'est que plus on est, plus on est fort quoi, voilà, plus on est, ça c'est une certitude. Le pays, tu fais une grève générale qui dure, là je veux dire, attends, il y a tout le monde qui est mobilisé, ici sur le site de l'ULB, tout le monde se mobilise, crois-moi, il y aurait une portée beaucoup plus grande quoi, ça c'est sûr. Après je voulais juste ajouter aussi que le calendrier universitaire a la particularité qu'au final on n'a que 24 semaines de cours, et que par exemple ici, ben, on est en blocus, on mobilise, enfin... À un moment, les étudiants, ils ont des examens à passer et à réussir. Et donc, je pense qu'il faut pas aussi demander l'impossible et on peut pas faire une manif à 5000 en plein mois de mai ou de juin. Il y a personne qui a parlé de ça. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, faire une action où peut-être on colle 500 affiches, on n'est peut-être pas 2000 derrière, mais nos affiches, elles se voient partout. Ça en parle sur les réseaux sociaux. Il y a 17 000 personnes qui l'ont vu. Ben, ça a du poids. Et donc, je pense que c'est bien la preuve qu'on peut faire bouger les choses, faire parler d'un sujet et faire pression en n'étant pas toujours 3000 quoi. Oui, mais c'est C'est incroyable. Oui, on peut faire bouger un mouvement social, même tout seul. Oui, on peut le faire, mais au plus on est, au mieux c'est, quelque part. Voilà. Et on comprend la réalité estudiantine avec ses examens et tout ça. Quoi. C'est pas un problème. Avoir beaucoup de monde qui est mou, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Quoi, tu veux dire que toi, t'es pas mou, mais quelle prétention ? Non, mais je veux dire... Quelle prétention, quoi, le gars ? Non, mais tu disais, ok, d'avoir tout le pays qui fait une grève générale, ok, là, ça fait bouger les choses. Bah oui, d'accord. Mais si t'as beaucoup de monde et qui fait juste une balade, juste une parade, je suis désolé, mais moi, j'ai l'impression que ça a parfois moins de poids qu'un petit nombre qui est prêt à aller jusqu'au blocage ou qui est prêt à aller, qui est prêt à désobéir. Donc, le nombre n'est pas la seule variable qu'il faut regarder pour un mouvement social, quoi. D'accord, c'est ton avis. Moi, je pense que le nombre, le pays, il est arrêté, les machines ne fonctionnent plus, on ne fait plus marcher l'économie. Crois-moi, en deux jours, même pas, les gens, les petites gens, là, enfin, pas les petites gens, mais les gens qui sont à deux de décider des règles, là, ils vont vite changer leur avis dès que l'économie ne fonctionne plus, quoi. Enfin, on peut regarder ce qui se passe en France, où là, c'est pas... Il n'y a pas 10% de la population qui a déjà été en manifestation, quoi. Dire, les manifestations qu'il y avait, c'était... On parlait de 1 million de personnes, ok, sur 60 millions d'habitants. C'est pas un mouvement de masse énorme. Pourtant, il y a 60% des gens dans les sondages qui disent qu'ils sont contre la loi El Khomri. Et à côté de ça, il y a... Donc c'est une majorité qui est silencieuse, qui n'est pas mobilisée, qui n'est pas dans la rue. Et à côté de ça, il y a des actions de petit nombre. Je suis désolé, mais à l'échelle du pays, les actions qu'il y a de blocage de raffineries, c'est des actions de petit nombre qui vont bloquer les raffineries, qui vont bloquer les centrales, qui vont bloquer les lignes de chemin de fer. Donc, c'est des minorités agissantes qui agissent soutenues par une majorité silencieuse. Et c'est pas... les soulèvements, ça n'a jamais été... même pas 10-20% de la population qui se soulève. C'est à chaque fois quelques pourcents qui sont dans la rue, encore un plus petit nombre qui sont prêts à aller faire des actions directes, des actions de désobéissance, des actions de blocage, et qui font monter la pression comme ça. Mais donc, nous, pour revenir sur le cas de l'ULB, très clairement, quand on discute avec les gens ne sont pas pour exclure les étudiants étrangers de l'université. Et donc, on sait qu'on a une majorité silencieuse qui est avec nous. Et à côté de ça, on est en train d'augmenter la mobilisation, en train de faire de la sensibilisation pour après avoir les rassemblements où on peut avoir du nombre. Et à côté de ça aussi, on s'organise pour faire des actions de désobéissance, comme on l'a fait quand on a bloqué le service des inscriptions. Bah oui. Quelqu'un a envie de rajouter encore quelque chose là-dessus ? Donc il y a déjà aussi des étudiants étrangers qui sont dans la merde parce que le nombre de crédits pour réussir a été fixé à 60 et du coup maintenant ils sont... 60% là. Non, c'est une unité d'enseignement et l'ancien système qui fonctionnait en année comptait qu'une année était 60 crédits. Chaque cours se voit attribuer un nombre d'unités d'enseignement. Par exemple, moi, je peux avoir une année avec 12 cours qui valent chacun 5 crédits. C'est comme ça qu'on pondère. Maintenant, on est passé dans le nouveau système avec Marcours qui fait qu'on ne compte plus en année mais en cycle. Et donc, un cursus universitaire classique c'est d'abord un bachelier de 180 crédits que traditionnellement on fait en 3 ans, mais qu'en fait maintenant on peut un peu organiser comme on veut. Et puis un master qui était avant en 2 ans, donc 120 crédits, mais qu'on maintenant on fait aussi un peu comme on veut. Et donc c'est ça les unités d'enseignement, les crédits, unités d'enseignement. Voilà. Donc ces étudiants, ils sont sous pression, il faut réussir à avoir ces 60 crédits-là. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup, ils sont au courant, ils sont informés de la situation. Mais il n'y a pas une forte mobilisation parce qu'ils sont en plein blocus, ce qui fait que bon, leur présence, ils ne sont pas là physiquement, mais moralement, ils sont toujours avec nous. Donc voilà, que ce soit dans des groupes Facebook et autres, il y a des réactions et ça se sent, des gens ils sont mécontents de cette loi. Et voilà, donc dire qu'il y a peu de gens qui sont mobilisés, cela prouve que le sujet n'est pas parlé ou n'est pas discuté au sein de la vie académique, non. Je pense que c'est vu la situation, que le fait que maintenant nous sommes en plein blocus et que voilà, il y a déjà les gens qui sont dans la merde, qui ont encore des dettes avec l'université et qui sont sous pression de réussir avec ce soin de crédit pour ne pas se mettre en plus dans plus de problèmes que prévu. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, en fait, il est en train d'expliquer que les étudiants étrangers et étrangères de l'ULB qui étaient présents à l'université déjà avant la mise en application de l'augmentation du Minerval, la question se pose, et pour eux, qu'est-ce qui se passe ? Puisque les années précédentes, ils ont payé 835 euros comme tout le monde. Voilà que tout d'un coup, on dit les étudiants étrangers et étrangères doivent payer 12 000 euros peut-être à la rentrée. Qu'est-ce qui se passe pour eux qui étaient déjà présents à l'ULB ? Et donc là, c'est comme il a expliqué, vous réussissez votre année, les 60 crédits, pas de soucis, pas de frais supplémentaires. Si vous ratez, si vous réussissez 55 crédits, aïe aïe aïe, ben, il va y avoir une augmentation qui va suivre. Quelle pression de dingue. Rater devient un privilège, quoi. Donc c'est un privilège que nous, Européens, on peut. Selon les critères, et les non-européens, s'ils ratent des crédits, et ben, ils doivent payer des augmentations de Minerval. Tu payes quand tu rates, tu payes cher. Hein. Voilà. T'allais dire Non. Ah, voilà. Quelqu'un a envie d'encore rajouter quelque chose? Enfin, moi, je ne connais pas. Donc, sur cette erreur administrative, donc c'est une erreur administrative qui a eu lieu à l'ULB, c'était quand même particulièrement scandaleux. Le fait qu'au départ, on leur demande 835 euros. Et au départ, la réussite était fixée à 45 crédits. Et puis, sous la pression des recteurs qui voulaient aller chercher de l'argent, elle est passée à 60 crédits. Et donc, c'est pour ça que des gens, au départ, on leur avait demandé 835. Et puis, on leur a dit, ah, mais en fait, vous êtes quand même entre 45 et 60 crédits. Et donc, vous allez devoir payer l'augmentation. Et donc, du jour au lendemain, on leur a demandé cette augmentation. Et donc, c'est changer les règles en cours de route. C'est mettre la pression sur des étudiants en pleine année, alors qu'ils sont déjà super occupés avec leurs études. C'est les forcer à travailler, c'est les forcer à aller mettre la pression sur leur famille et sur leurs garants pour qu'ils leur donnent de l'argent. Donc c'est vraiment scandaleux. Et alors il y en a beaucoup qui encore aujourd'hui n'ont pas réussi à payer ces augmentations de Minerval et donc qui craignent pour la rentrée, parce que s'ils ont une dette au moment de la rentrée, alors ils ne peuvent pas s'inscrire. Et moi personnellement je suis en train de passer des nuits blanches. Parce que je me trouve dans l'obligation de réussir, sinon je serais encore dans la merde, plus que l'année dernière. Et déjà même, c'est tellement difficile la vie ici que s'il faut payer 12 000 euros, je ne pense pas que... Même 835 euros, c'est vraiment la somme que l'étudiant étranger devrait normalement payer. Parce que plus que ça, c'est difficile. Voilà, là, il y a cette année, on a augmenté des frais supplémentaires de 1923 euros. Il y a bon nombre d'étudiants qui n'ont pas encore payé, qui n'ont pas arrivé encore à éponger cette dette-là. Et si on nous demande de payer 12 000 euros, je pense que ça sera un... C'est une manière de dire, voilà, les études, c'est terminé, vous ne pouvez plus. Et un autre problème majeur, c'est aussi qu'il y a bon nombre d'étudiants qui sont déjà peut-être en master, premier master, et sont en train de réfléchir comment, par exemple, écrire leur mémoire l'année prochaine et tout. Et ils sont sous pression, ils ont peut-être déjà leur sujet de mémoire, leurs questions et autres. mais ils ne peuvent pas réfléchir doucement ou clairement par rapport à ce qu'ils feront l'année prochaine, vu qu'ils sont sous pression administrative, ils sont sous pression financière et autres. Donc, ce qui fait que l'étudiant, il devient moins productif parce qu'il a tellement de choses à régler. Il faut aller à la commune d'ici septembre, il faut d'ici mi-septembre payer le Minerval, il faut d'ici décembre préparer son blocus et tout, janvier être en examen et après, voilà, c'est une pression énorme qu'on ne parvient plus à supporter. Donc il faudrait qu'il y ait un changement. Et sinon, ça sera impossible que les étudiants étrangers continuent encore à s'inscrire dans des universités pareilles. Voilà, ici il faut même encore rebondir sur la difficulté pour les étudiants étrangers de payer, de pouvoir payer ces 12 000 euros. C'est vrai, on va dire, voilà, ils ont leur garant et tout. Et ils ont 50 jours de travail tout au long de l'année. Supposons, 50 jours de travail, quand tu travailles, on dit, voilà, tu ne vas pas dépasser 11 heures par jour. Donc, ça veut dire, si tu es payé... Tu veux dire 50 heures de travail, de vrai travail, pour avoir de l'argent, là, en fait. Je croyais que tu parlais des cours, en fait. Ouais, 50 jours de travail, pour avoir de l'argent. Non, ça fait, merci, 5 000 euros par an. Si tu arrives à travailler 100 euros par jour, ben, si tu te retrouves, il faut payer le loyer, il faut manger, il faut... faire ses abonnements de la STIB et autres, de transport en commun et autres. Et il y a aussi des urgences comme ça qui arrivent et tout. Mais donc, ça sera impossible d'avoir entre seulement 5 000 euros et dépenser plus que ça. Le garant, il peut envoyer de l'argent, mais même s'il envoie cet argent, quand on fait un peu le calcul, on exige qu'il envoie en moyenne 700 euros par mois, ça fait 7000 euros. Mais ici, il y a plus de dépenses que ce que tu reçois, donc c'est impossible que vienne s'ajouter encore l'augmentation de ces Minerval à 12 000 euros. Donc, je trouve ça infaisable. Ouais. Du coup, il y en a beaucoup qui travaillent, mais ils sont limités par la loi qui encadre le travail des étudiants. Ce qui est une bonne chose, parce que pour moi, je pense qu'ils doivent avant tout se concentrer sur les études. Ils ne trouvent pas ça normal qu'ils arrivent ici et qu'ils soient obligés de travailler à fond. Mais s'ils travaillent trop et qu'ils perdent leur statut d'étudiant, ce qu'ils risquent, c'est l'expulsion, c'est leur titre de séjour, quoi. Nous, à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, on parle vraiment avec un risque qui est super important, quoi. Enfin, moi, je voulais juste, en petite phrase que moi j'avais en tête de conclusion, c'est que si l'ULB, en fait, veut vraiment se présenter comme une université engagée, ben, elle sait ce qu'elle a à faire, quoi. C'est revenir sur ce décret. Parce que engagé quand on fait des campagnes, enfin pour faire des campagnes marketing, ça ouais, mais après engagé quand il s'agit de défendre un vrai enseignement égalitaire, ouvert à tous, critique, solidaire, démocratique, là il n'y a plus personne. Donc c'est là qu'on l'attend au tournant, quoi. Terminer sur une petite réflexion aussi. Moi, en tant qu'étudiant belge, la mesure ne me concerne pas directement. Je ne devrais pas payer 12 000 euros à la rentrée. Mais si jamais, dans un futur proche, je devais être amené à payer 12 000 euros pour faire une année universitaire, moi, je ne pourrais pas faire l'université. Je ne pourrais pas me permettre de venir à l'université. Donc, je tiens vraiment à être solidaire de tous les étudiants étrangers hors Union européenne. Et j'invite vraiment tous les étudiants et étudiantes de l'ULB à être solidaires et à se renseigner sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer et à rejoindre le mouvement. Ouais. Bah, c'est un bon principe que tu racontes, c'est vrai. Si c'était, si les noms, comment on dit ? Les non-immigrés, j'en sais rien, moi. Les Belges, oui, ce serait pareil, tu devrais payer 12 000 euros, ben, ce ne serait pas possible parce que c'est une somme de dingue, c'est vrai. Et moi, j'avais juste aussi envie de dire, au début de la conversation, vous avez remarqué, c'est parti un peu hein, sur l'idée... Donc, pour toi, monsieur, l'inconnu qui vient faire tes études, enfin, toi, bon, j'espère qu'on va comprendre, là, attends. Donc, le non-européen. Tu précisais, en fait, que quand tu viens faire tes études pour avoir le visa, machin, bazar, il y a une petite case à cocher pour dire que tu vas bien retourner là-bas, faire quoi, au fond Tu dis ? Vivre sa vie, quoi. Ouais, vivre ma vie et pouvoir avoir un emploi au pays, contribuer au développement du pays. En fait, c'est ça l'idée. Donc, c'est une loi qui est récente, qui a été signée entre l'Afrique et les pays européens. Donc, ouais, donc dans le but de pousser les Africains à rentrer une fois qu'ils ont terminé leurs études, contribuer au développement de leur pays. Et moi, je trouve ça juste. Moi, je trouve ça juste, mais il faudrait aussi qu'on donne la possibilité. En fait, c'est aussi nous conditionner. C'est aussi conditionner certaines personnes qui ne veulent pas, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ouais, parce que voilà, si, quand tu signes que voilà, je termine, je rentre, il peut arriver que ici, parce que l'homme, en fait, la réflexion évolue. Tu peux, ce que tu penses aujourd'hui, ce n'est pas certainement ce que tu vas garder en esprit dans 2 ou 3 ans. Donc, il peut arriver que tu arrives là, tu étudies et tout, mais tu trouves plutôt de travailler dans un domaine qui n'est pas peut-être dans ton pays, mais qui se trouve ici, mais tu vas exercer ton emploi ici, mais ce n'est plus possible parce que quand tu termines, voilà, on t'envoie le courrier, la commune t'envoie le courrier, ben voilà, il faut quitter le territoire ou à défaut, voilà, tu vas te mettre dans des problèmes et tout. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire, voilà, j'encourage, je suis contre cette loi-là, mais il faudrait juste qu'on donne la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut. Mais moi aussi, profondément, mais c'est toujours intéressant et c'est pour ça que j'aime bien de discuter avec les gens du terrain, parce que tu vois, toi, tu vis une situation que moi, je ne vis pas. Donc, je suis super, c'est super. La petite case pour avoir le visa, pour dire « bon, je retournerai dans mon pays avec mon diplôme pour faire du travail là-bas au pays », je trouve ça... oui, c'est des accords qui se sont passés sûrement de nouveau économiques entre l'Afrique et la Belgique. Hein. Enfin, c'est une vieille histoire tout ça, enfin, soit. Mais évidemment, moi, je suis pour la liberté. Pour la liberté des individus, ils font ce qu'ils veulent, évidemment, en sachant toujours bien que ceux qui ont l'argent, ben, ils ont plus facile à voyager que ceux qui ne l'ont pas. Hein, on a bien vu, entendu tous ces gens qui voyagent en se débrouillant sur les mers, dans les bateaux de fortune et compagnie. Tu vois, c'est encore autre chose, mais voilà. C'est complexe, tout ça, voilà. Mais ça m'intéressait bien, cette petite case. Ça raconte plein de choses, en fait, voilà. Aussi, une autre chose, je suis vraiment très ravi, ouais, de la mobilisation des étudiants belges et autres qui ont été solidaires avec nous tout au long de ce mouvement qui ont été en fait qui étaient très engagés dans le mouvement, même comme ils n'étaient pas concernés directement, mais ils ont mis la main dans la pâte pour qu'ensemble qu'on puisse lutter contre cette augmentation. Et je trouve ça tellement solidaire, ce sont des choses comme ça très marquantes que vraiment avec des mots on peut pas trouver des mots pour pouvoir qualifier ce qu'on ressent, mais c'est vraiment un acte humain, je dirais, humain, parce que par moment, je me dis, ben voilà, dans ce monde, il existe encore des personnes qui portent les autres au cœur, et c'est vraiment encourageant. Sinon, tous ces gens rassemblés n'étaient pas là, je pense que nous n'aurions plus la force de continuer à tenir et à espérer qu'on ne va pas augmenter ce Minerval à 12 000 euros. Et j'y crois encore qu'ensemble, on va continuer à lutter et que d'ici septembre, on va... Ils enverront un mail à tous les étudiants étrangers pour dire voilà, désolé, c'était juste une erreur, c'était une blague, une mauvaise blague, mais voilà, continuez à faire vos études normalement et voilà, en nous souhaitant plein de succès et tout, voilà, ça sera une chose aimable. Merci. En tout cas, moi, je souhaite que votre mouvement il prenne de l'ampleur, de la force, et que si jamais ça ne marche pas, ben, qu'au mois de septembre, c'est de nouveau rebelote. En tout cas, moi, je suivrai l'histoire. Voilà. Merci bien à vous tous.